بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام في حديث جابر ومعنى اليوم صلاة المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. Et donc nous continuons à aborder le hadith de Jabir radiallahu anhuma. Et aujourd'hui nous allons voir la prière du Maghrib et du Isha, Inch'Allah ta'ala. Faqala Jabir radiallahu anhuma, Kana an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-dhuhra bil-hajira, wal-asra wal-shamsu naqiyya, wal-maghriba idha wajabat. Et donc Jabir radiallahu anhuma, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait la prière du dhuhr à partir du déclin du soleil, et la prière du asr alors que le soleil était encore clair et éclatant, et la prière du maghrib idha wajabat, c'est-à-dire à partir du coucher du soleil. Fa awwal waqt al-maghrib 'inda ghurub ash-shams. Et donc le premier moment, l'entrée du temps du Maghreb est à partir du coucher du soleil. À partir du coucher du soleil. Wa qad naqala Ibn al-Munzir rahimahullah al-ijma' ala dhalik. Et Ibn al-Munzir, il a cité l'unanimité des savants sur ce sujet, c'est-à-dire sur le début du temps du Maghreb. Thumma ikhtalafa al-ulama fi akhir waqt al-Maghrib. Et ensuite, les savants, ils ont divergé concernant la fin du temps du Maghreb. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُمْ أَبُو حَنِيفَ وَمَالِكْ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَأَحْمَدٍ إِلَىٰ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَمْتَدُّ إِلَىٰ مَغْرِبِ الشَّفَقَ. Et donc, la majorité, al-jumhur, c'est-à-dire donc l'imam Abu Hanifa, ainsi que l'imam Malik, selon un de ses avis, et l'imam Ahmed, il voit que le temps du Maghreb, il dure jusqu'à la disparition de Ash-Shafaq, ce qui est voulu par Ash-Shafaq, donc la lumière ou la rougeur que l'on voit dans le ciel après le coucher du soleil. Après le coucher du soleil. À la disparition de celle-ci, le temps du Maghreb est terminé. والأدلة على هذا القول كثيرة جدا منها حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. Et donc les preuves de cet avis, les preuves qui montrent la véracité de cet avis sont nombreuses, et parmi celles-ci, donc il y a le hadith de Abdullah ibn Amr dans le Sahih Muslim qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le temps de la prière du Maghreb continue tant que cette rougeur dans le ciel n'a pas disparu. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن مروان ابن الحكم قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. Et parmi les preuves de cet avis aussi, il y a donc le hadith donc dans Sahihayn, dans les deux recueils d'Al-Bukhari et de Muslim, selon Marwan ibn al-Hakam, qui dit que Zayd ibn Thabit, il lui a dit, comment se fait-il que je t'entends toujours réciter avec les courtes sourates au Maghreb? Je t'entends toujours réciter au Maghreb avec les courtes sourates. Alors que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter au Maghreb bi toula et toulayin. C'est quelle sourate? Al-A'raf. Sourate Al-A'raf. Et donc, elle est longue. C'est une sourate qui va mettre du temps avant de la finir pendant Salat Al-Maghrib. وَهَذَا يَدُلُّنَا عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ مُتَّسِعَ. Et donc, cela nous montre que le temps de la prière du Maghrib, il est vaste. Ce n'est pas un temps qui est extrêmement réduit, comme c'est le cas du deuxième avis. فَقَالَتِ الْعُلَمَا أَنَّ هَذَا الْوَقْتْ سِيَعْتُولْ كَمَ ذَكَرْتُ لَكُمْ الْآنْ أو القراءة قراءة سورة الأعراف وقتها وقت قراءتها في صلاة المغرب سيطول والقول الثاني هو قول الإمام مالك في رواية وقول الإمام الشافعي et le deuxième avis c'est l'avis de l'imam Malik donc dans son deuxième avis et c'est aussi l'avis de l'imam الشافعي qu'est-ce qu'il voit أن وقت المغرب قصير يكفي للأذان والوضوء وخمس ركعات ثلاث ركعات للفريضة وركعتين السنة ثم انتهى. Et donc il voit donc Shafi'i et Malik que le temps du Maghrib il est très court et qu'il suffit pour faire le Adhan, faire les ablutions et cinq unités de prière. C'est-à-dire trois unités de prière pour la prière obligatoire et deux unités pour la sunna. Après cela, le temps du Maghrib, il est terminé. Le temps du Maghrib, il est terminé. C'est-à-dire que le temps du Maghrib va être très court. Certains ont dit 15, d'autres savants disent 10 minutes à peu près. Et donc, il va être très court. Taïb, ma huwa ad-dalil ? Quelle est la preuve qui montre cela ? Huwa hadithu imamati Jibril. C'est le hadith durant lequel Jibril a prié en tant qu'imam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول عند غروب الشمس وفي اليوم الثاني عند غروب الشمس. Parce que Jibril, il a accompli avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca la prière du Maghrib au premier jour au coucher du soleil et au deuxième jour au coucher du soleil. Qalu idhan waqtul maghribi waqtun wahid. Et donc ils ont dit le temps du Maghrib est un temps unique, il ne va pas s'étaler. C'est le à partir du moment où le moment du Maghrib il est entré, c'est là qu'il faut prier. Un point, c'est tout. Pourquoi ? Parce que c'est ça, donc, que Jibril a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَالصَّوَابُ فِي هَذَا أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَمْتَدُّ إِلَى مَغْرِبِ الشَّفَقِ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ هَذَا الْقَوْلِ وَأَيْضًا لِأَنَّ جَمْعَ النُّصُوصِ أَوْلَى مِنْ تَرْكِ الْبَعْضِ. Et donc, la vie le plus juste en cela est que le temps du Maghreb, il va durer jusqu'à la disparition des lueurs rouges dans le ciel. Jusqu'à la disparition des lueurs rouges dans le ciel. Et ce, à cause donc des fortes preuves qui ont été citées pour cet avis. Et aussi parce qu'il est préférable, comme on le cite souvent, il est préférable de rassembler les preuves plutôt que d'œuvrer avec certaines et de délaisser les autres. Taïb, كيف نجمع ? Comment on va rassembler les preuves ? Nakul إن حديث جبريل دليل على وقت الفضيلة. Le hadith de Jibril est une preuve montrant le moment durant lequel il est préférable d'accomplir cette prière. C'est-à-dire en début de son temps. En début de son temps. Mais il y a d'autres preuves qui montrent que le temps du Maghrib continue. Est-ce que nous allons rejeter ces autres preuves ? Non. Et donc le temps du Maghrib continue. Mais le meilleur moment où tu peux l'accomplir, c'est à ce moment-là, en début de son temps. Et c'est comme cela qu'on va rassembler tous les textes qui sont rapportés dans ce sujet. Et enfin, concernant la prière du Isha. Fekola Jabir wal Isha ou Ahyanan wa Ahyanan. Et donc Jabir, il a dit, et la prière du Isha, parfois et parfois, ça dépend. Idha ra'ahum ijtama'u ajjal. S'il voit que ils se sont rassemblés, alors il va accomplir la prière tôt. وَإِذَا رَأَهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرْ. Et s'il voit que donc les musulmans ils mettent du temps à se rassembler, alors il va retarder le temps de la prière du Isha. فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَآخِرِهِ. Et donc les savants, ils ont divergé concernant le début du temps du Isha et la fin du temps du Isha. Concernant le Isha, le sujet il est un peu long. Voilà pourquoi aujourd'hui on va aborder une première partie et la semaine prochaine la deuxième partie. Aujourd'hui on va voir أَوَّلْ وَقْتِ الْعِشَاءِ. On va voir le début du Isha. Quand est-ce qu'il commence? فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَ صَلَاتِ الْعِشَاءِ يَبْدَأُ بِمَغْرِبِ الشَّفَقِ. Et donc les savants sont unanimes sur le fait que le temps du Isha, il commence à partir de la disparition de la lueur qu'il y a dans le ciel. Et là, vous allez me dire, Abdelkarim, tu viens de nous dire qu'il y a divergence sur le début du temps du Isha. Et maintenant, tu nous dis, ils sont unanimes. Et donc, ce qui est voulu par là, ils sont unanimes sur le fait que le temps du Isha commence à la disparition de la lueur qu'il y a dans le ciel. لَكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي مَاهِيَةِ الشَّفَقِ. Cependant, ils ont divergé concernant cette lueur. Comment est-elle? لِمَا لِأَنَّ الشَّفَقِ فِي اللُّغَةِ يُطْلَقُوا عَلَى أَمْرَيْنِ. Car le mot الشَّفَقِ, la lueur dans la langue arabe, est cité pour deux choses. Attention, je n'ai pas dit que deux choses. Parce que on a ce qui s'appelle Shafakul Ahmar, on a Shafakul Abiyad, et donc voilà les deux. Mais on peut aussi avoir Shafak, mais là c'est un autre sujet, par exemple, qui veut dire la peur. Voilà, la peur. On va utiliser donc Shafakan Aleik, par peur, par crainte pour toi. Et donc, Shafak, il y en a deux dans la langue arabe. الشفق الأحمر la lueur rouge وهو الأول الذي يظهر عند غروب الشمس. Et donc c'est la première lueur qui apparaît à partir du coucher du soleil. ثم يذهب, puis cette lueur va s'en aller. فبعده يأتي الشفق الأبيض, et après cela la lueur blanche dans le ciel. On a une première lueur rouge et ensuite une lueur blanche dans le ciel. Les savants ont divergé. Quelle est donc la lueur qui est voulue ici, à la Corolaine? Donc deux avis. فَذَهَبَ الْجُمْهُورِ الْمَالِكِيَّ وَالشَّافِعِيَّ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ صَلَاتِ الْعِشَاءِ يَبْدَأُ بِمَغْرِبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ. Et donc la majorité des savants, les savants du Mazhab Malikite, Shafi'ite, et Hanbalite, il voit que le début du Isha commence à partir de la disparition des lueurs rouges. À partir de la disparition des lueurs rouges. Les premières. Min adillatihim hadithu Aisha fi sahihayn. Annahum kanu yusalluna fima bayna an yariba ash-shafaqu ila thuluth al-layl al-awwal. Et donc, parmi leurs preuves, il y a le hadith de Aïcha dans Sahihayn, qui stipule qu'ils accomplissaient la prière du Isha entre la disparition de la lueur et le tiers de la nuit, et le premier tiers de la nuit. Les savants, ils ont dit « Ash-shafaku hinama yutlaku wahdahu fal muraduhuna ash-shafakul ahmar ». Les savants disent, lorsqu'on cite la lueur toute seule, sans précision, ce qui est voulu ici, c'est la lueur rouge. Et donc, ils utilisent ce hadith comme preuve pour dire que là, la prière du Isha commence à partir de la disparition de la lueur rouge dans le ciel. Wa hadith wa Abdillah ibn Amr. Fi Sunan Abi Daoud. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق. Et parmi leurs preuves, il y a le hadith du donc dans Sahih, le hadith donc excusez-moi dans Sunan Abi Daoud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et le temps du Maghrib continue tant que la lueur rouge, fawr al-shafaq, c'est la lueur, là c'est al-shafaq al-ahmar, c'est le premier. Et donc la prière du Maghrib continue tant que la lueur rouge n'a pas disparu. Ils ont utilisé ce hadith comme preuve. Pourquoi? Parce que les salats sont liées les unes des autres. À partir du moment où une se termine, l'autre elle commence tout de suite. Et donc là, c'est la lueur rouge qui est citée pour la fin du Maghrib. Et donc, tout de suite après, il y a la prière du Isha qui va commencer à la disparition de la lueur rouge. وقال أبو حنيفة بأن وقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأبيض. Et Abu Hanifa, lui, il dit que le temps du Isha, il commence à partir de la disparition de la lueur blanche. Et ça, ça me rappelle, vous savez, avec toutes les divergences concernant les horaires de prière qu'on a en France, il y a des frères parfois qui ils vont prendre des photos. Ils vont te dire, regardez, les gens sont en train de prier alors que le temps du Isha n'a pas commencé. La lueur rouge, elle a disparu. Et tu vois la lueur blanche sur la photo. Mais la lueur rouge, elle a disparu. Mais il y a encore la lueur blanche, c'est que le Isha, on n'est pas encore rentré dans le temps du Isha. C'est-à-dire que les frères qui ont pris cette photo, ils se basent donc sur la vie de Abu Hanifa. Sans savoir qu'il se base sur la vie de Abu Hanifa. Parce que pour beaucoup, ils ne savent pas qu'il y a deux lueurs. Pour beaucoup, à partir du moment où ils voient la lueur rouge qui a disparu, khalas, c'est bon. Ou alors, excusez-moi, à partir du moment où ils voient que le ciel il est devenu noir, c'est bon. Là, on peut prier, c'est le temps du Isha qui a commencé. Et ça, c'est la vie de Abu Hanifa. Et donc, si seulement tu leur dis, mais calme-toi, Akhi, sache que il y a des savants qui, la majorité des savants, ils voient que le temps du Isha, il a commencé là. Le temps du Isha, là, il a commencé. Pourquoi? Parce que la lueur rouge, elle a disparu. La lueur blanche, c'est pas grave. Et donc, l'avis d'Abu Hanifa, quels sont les arguments d'Abu Hanifa, rahimahullah? Daliluhu hadith Abi Mas'ud al-Ansari. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء حين يسود الأفق. وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسِ. Le hadith de Abi Mas'ud al-Ansari qui dit « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir la prière du Isha lorsque l'horizon s'est ennoirci. » Lorsque l'horizon est devenu noir, il n'y avait plus de lueur. Et ensuite il continue en disant « Et il se peut qu'il retardait le temps du Isha, qu'il retardait la prière du Isha, afin que les gens se réunissent. فيفهم من ذلك أنه كان يصلي عند مغيب الشفق الشفق الأبيض. Et donc, on comprend de ce hadith que le prophète, il priait après la disparition de la lueur blanche, pas de la lueur rouge. والصحيح إن شاء الله مذهب الجمهور. Et la vie le plus juste, inshallah, est la vie de al-jumhur, la majorité des savants. Wa la ta'arruda bayna al-ahadith. Et il n'y a pas de contradiction entre les ahadith. Li anna kawna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli ba'da maghrib ash-shafaq al-abyad la yunafi kawna waqti salati al-isha bada'a ba'da maghrib ash-shafaq al-ahmar. Car le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie après la disparition de la lueur blanche, cela ne contredit pas le fait que le temps du Isha a commencé à la disparition de la lueur rouge. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie un peu plus tard, ne contredit pas que le temps de la prière a commencé un peu plus tôt avant. Comme on le fait pour les prières. Comme on le fait pour Salat al-Fajr, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, al-Maghrib. À chaque fois, on ne prie pas tout de suite en début du temps de la prière. On attend un peu. Et après, on prie. C'est pas parce qu'on attend un peu pour prier que ça veut dire qu'avant, on n'était pas dans le temps de la prière. Et donc, comme cela, encore une fois, on rassemble tous les textes qui sont cités dans ce sujet. Et c'est d'ailleurs le hadith de Jabir qu'on voit aujourd'hui. Jabir, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ahyanan wa ahyanan. Parfois et parfois. Iza ra'ahum ijtama'u ajjal. S'ils voient qu'ils sont rassemblés, alors il précipite l'accomplissement de la prière. Il va accomplir tôt la prière. Iza ra'ahum abta'u akhar. Et lorsqu'ils voient qu'ils mettent du temps pour se rassembler, alors ils retardent le temps de la prière. Et donc la vie la plus juste, inshallah ta'ala, wallahu a'lam, c'est que le temps de la prière du Isha commence après la disparition du Shafaq, après la disparition de la lueur rouge, inshallah. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين